J'pilote une bagale, la con c'est forte, la jean bas de gamme. En noir comme Batman, 6 pour des grammes pour des palmales. J'ai mis la drogue dans son Christian Dior. Si peu la peur, plus le mélange m'endort. T'as que de la gueule, gros, même pas tu mords. Trahine ou tu sors. Rappé ici, tu sers, je le fond, la tossaine. Toi de même, la tout sèche, tout ça m'a touché. J'pense qu'à les cartoucher. Oli, j'veux deux chiennes. Tu te retires du tout, chains. Appuyé à la chaise. Leurs fesses font des waves. J'ai roulé combien de pétous. Elle conce comme un V12. Elle aime sipine le juice. Drippe sur ses cuisses. J'ai roulé combien de pétous. Elle conce comme un V12. Elle aime sipine le juice. Drippe sur ses cuisses. À tout ce que j'ai construit, je resterai attaché jusqu'à ce que la mort nous sépare. Quand j'ouvre les yeux, je déverrouille mon fun. Je vois beaucoup de choses qui nous séparent. C'est pas la même story, pas le même monde. Sauf qu'ils le comprendront après mon départ. Pour construire un château seul comme les échecs, faut pas être qu'à propos des cartes. Bientôt CEO, faut arrêter de se droguer. À ce fuck la route, tout le monde peut finir Kylie ou Kim. Entouré de goofy nouvelle génération. Car depuis ma naissance, j'ai pas choisi où vivre. Sur mon dos, t'as cassé du sucre et des glaçons. J'écoute un de tes sons, puis je vois qui t'es en fait. Azure, zéro origine à propos de ma langue. Je pourrais chanter en grec dans ta house, dans ta trappe, dans ton bloc party. Tu parles beaucoup en vrai, mais t'as kiffé en scred. Hein, j'avais beaucoup de démons, ils sont tous partis. Mais je les oublie pas un jour, je les ferai en traître. J'suis dans la 500, pas dans le tram, pas dans le bus. Nique le TCL, Nina à l'hiver, j'vais la banav. Mais les TCL, j'suis dans la job. Pas dans le trou, mais ça serait trop laid. Cette ville là c'est dead. Cette ville là c'est dead. Cette ville là c'est dead, dead, dead. T'es mal et pas sans passer, t'es mal et pas serein. Combien de clients ratés, mais bon la gérance sur moi. Avant j'avais 10 sur 10, avant j'avais blé sur blé, 20 sur 20. Mais nique ça, nique ça, remets là. J'suis dans la 500, pas dans l'Uber, ni dans l'Hitch. Nique le TCL, Nina Rabat, j'vais la gérer. Elle est pas si belle, j'suis dans la job. Pas dans le trou, mais ça serait trop laid. Cette ville là c'est dead. Cette ville là c'est. Cette ville là c'est.